إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours 21 dans l'explication du kitab al-usul al-thalatha, le sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé donc à l'explication du Cheikh lorsqu'il mentionne la preuve au sujet de ce qu'il a mentionné. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au sujet des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala, on le connaît par ses signes, on le connaît par sa création et on le connaît par ses signes. Il a mentionné comme preuve le verset 54 dans Surat Al-An'am, Al-A'raf, pardon, verset 54 dans Surat Al-A'raf. Et c'est ce verset-là qu'on était en train d'expliquer au dernier cours. On a expliqué l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Istiwa. Et on a passé beaucoup de temps sur ce verset-là pour le clarifier comme il faut. Surtout sur la question de l'istiwa, parce que c'est une question qui est très importante, qui est reliée au tawhid dans les noms et les attributs d'Allah. Et c'était très important de le clarifier pour éviter les ambiguïtés et pour réfuter les gens de bid'a parmi les asha'ira et les maturidiyya qui ont déformé la réalité de cet attribut. Hein? Donc, comme on expliquait yani, au dernier cours, ils prétendent être sur la aqida de l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, et ils prétendent qu'ils suivent le madhab de l'imam Malik ou de l'imam al-Shafi'i ou de l'imam Ahmad ou de l'imam Abu Hanifa. Et ça déjà c'est un anachronisme en fait, en réalité, puisque l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est né en 260, qui a vécu 40 ans dans la aqida ash'ari, dans la aqida des Mu'tazila, dans la secte des Mu'tazila, puis en l'an 300, qui a quitté ça pour une autre aqida, qui est la aqida des Kullabiyya, hein, qui est une autre aqida qui est basée sur le manhaj des gens de Kalam, qui se base sur la logique grecque, puis les principes de la logique, qui affirme certains attributs, puis qui nie la majorité des autres. Donc ça c'est pas le manhaj des salafs, donc il n'avait pas encore trouvé la vérité, c'est juste par la suite qu'il a trouvé la aqida salafiyya, la aqida de l'imam Ahmad et des autres imams d'Ahl Sunnah. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, pourquoi je mentionne ça, pourquoi je dis que c'est un anachronisme? C'est parce que tous les quatre imams d'Ahl Sunnah sont tous morts avant la naissance de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Donc c'est ridicule de prétendre qu'ils suivent les quatre imams des madahib, alors que la aqida qu'ils suivent a été amenée et inventée par un homme qui est né après la mort des quatre imams. Yani, Abu Hanifa, il est mort bien longtemps, peut-être plus qu'un siècle avant la naissance de Abu al-Hasan al-Ash'ari. La même chose pour l'imam Malik et l'imam Shafi'i aussi, et l'imam Ahmad, hein? Tous ces quatre imams, Et ça, c'est seulement quatre d'entre les imams des salafs. Il y en a des milliers d'imams des salafs comme ça qui ont tous été sur la aqidah salafiyya de croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et d'affirmer les noms et les attributs tels qu'ils sont dans le Coran et dans la sunna sans les déformer de leur sens, hein, et sans faire de tashbih et sans demander le comment, hein, et sans essayer de les interpréter par une signification différente. Hein, et ils ont tous été contre les bid'ah des Jahmiyyah et des Mu'tazila, hein. Donc, ils n'étaient pas sur la aqidah de Abul Hassan al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il avait ramené quand il a suivi la aqidah des Kullabiyyah? C'est une aqidah qui est en opposition avec la aqidah des Salaf, puisqu'ils affirment uniquement sept attributs, puis ils nient les autres. D'accord, donc ça c'est pas le manhaj, c'est pas la aqidah des salafs. Et quand ils les affirment en se basant juste sur la logique, les preuves rationnelles, comme ils prétendent, et non pas en se basant sur la révélation. Donc on va, inshallah, donc une fois qu'on a compris ça, et qu'on a compris que ces gens-là se cachent derrière les quatre imams des madahib pour essayer de se donner une crédibilité qu'ils n'ont pas, hein? Donc maintenant on peut continuer l'explication de la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit yurshi al-layla an-nahar yurshi al-layla bin-nahar yani yurshi an-nahar bil-layl wa yurshi an-nahar bil-layl fa baynama tarawna al-kawn mudhi'an fa idha al-layl yughattihi fa yusbihu muzliman wal-layl yughattihi an-nahar فيصبح مضيئا يطلبه حثيثا يأتي هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخر فإذا أدبر الليل جاء النهار وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة لا يتأخر هذا عن هذا وهذا من كلام قدرته من كمال قدرته سبحانه وتعالى لا يفتر هذا عن هذا. Donc le cheikh explique que Yurshil, et ensuite après avoir dit Thumma stawa ala al-arsh, il dit Yurshil layl al-nahar, c'est-à-dire il couvre la nuit par le jour. Et donc le cheikh explique ça et il dit que ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala couvre la nuit par le jour et le jour par la nuit. Hein? Comme vous regardez le ciel, vous regardez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez que il y a le jour, puis la nuit vient couvrir le jour et ça devient sombre, ça devient noir par la suite. Puis vous voyez la nuit et la nuit vient et se fait couvrir par le jour et hein, le ciel devient clair et illuminé et éclatant. Hein? يطلبه حثيثا, c'est-à-dire, il le suit rapidement. C'est-à-dire, la nuit vient se faire couvrir par le jour et il le suit rapidement. C'est-à-dire que c'est automatique, hein, ça vient tout de suite. Il n'y a pas de retard, hein, il n'y a pas de délai, hein, dans la venue du jour ou de la nuit. Lorsque un s'en va, l'autre arrive tout de suite. Donc, aussitôt que la nuit s'en va, le jour arrive. Et aussitôt que le jour, hein, aussitôt que la nuit, le jour arrive, donc aussitôt que la nuit part, aussitôt que le jour part, la nuit arrive. Aussitôt que le jour part, la nuit arrive, ainsi de suite. Est-ce que j'ai dit deux fois la même chose? Ouais. Ok. Aussitôt que la nuit part, le jour arrive. Aussitôt que le jour arrive, la nuit part. Donc. C'est ce que je voulais dire. Ça m'arrive souvent de me mélanger comme ça. Bon. Et un, il ne retarde pas par rapport à l'autre. Ils se suivent l'un après l'autre comme ça, rapidement. Et ça, ça fait partie de hein, la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa puissance et dans hein, sa capacité hein, et son omnipotence. Le fait qu'il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala, et qu'il a le pouvoir sur toute chose. Et donc, il n'y en a pas un qui retarde par rapport à l'autre, ils se suivent comme ça constamment. Le cheikh dit, وَالشَّمْسُ هِيَ الْكَوْكَبُ الْعَظِيمُ الْمَعْرُوفُ وَالْقَمَرُ كَذَلِكَ كَوْكَبٌ مِنَ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ وكل منهما يجري ويدور على الأرض والأرض ثابتة مستقرة جعلها الله قرارا أي قارة ثابتة لمصالح العباد والشمس سائر والشمس وسائر الأفلاك تدور عليها. Donc le cheikh il explique que le soleil c'est une des grands astres, un des grands astres dans le ciel qui est bien connu, et la lune également c'est un astre qui est dans le ciel parmi les sept astres qui tournent. C'est ça que le cheikh dit, min al-kawakib as-sab'a as-sayyara. Et chacun d'entre ces deux astres, la lune et le soleil, tourne autour de la terre. Et la terre est fixe, elle reste immobile. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la terre soit fixe. C'est pour le bien des serviteurs, elle ne bouge pas. Tandis que le soleil et le reste des astres, eh bien, il tourne autour de la terre. ولا كما يقول المتخرصون الآن من الذين يدعون المعرفة يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها وهذا عكس ما في القرآن والشمس تجري لمستقر لها وهم يقولون الشمس ثابتة يا سبحان الله. Donc le cheikh il dit c'est le contraire de ce que disent aujourd'hui ceux qui prétendent les gens qui essaient de jouer aux devinettes par rapport à la création et qui prétendent connaître des choses au sujet de ces questions là. Le cheikh il dit, eux ils disent que c'est le soleil qui est fixe vu que c'est la terre qui tourne autour, le contraire de ce qui est dans le Coran. Il mentionne le verset 38 dans Surat Yasin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا. Donc le soleil, il vogue vers l'endroit de son établissement. Et donc, ils prétendent que le soleil est fixe, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le soleil avance. Qu'il suit son cours vers l'endroit où il va s'établir. Et donc, eux, ils prétendent le contraire de ça, que le soleil est fixe. Ya subhanallah. Donc, on voit ici, alhamdulillah, comment le cheikh il clarifie les choses à ce sujet-là. Et il nous fait comprendre que l'attitude du mu'min, c'est d'accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et de l'accepter et de se soumettre. Et c'est ça l'important pour lui, c'est d'accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et de se soumettre. Et à propos de cette question là il y a des ulama qui ont clarifié plusieurs choses et qui en ont parlé plus en détail, et c'est pour expliquer que dans l'islam, comme Cheikh l'islam il l'a expliqué dans son livre Dar al-Ta'arud bayn al-Aql wa al-Naql, il a expliqué que c'est pas possible dans l'islam qu'il y ait une contradiction entre qu'est-ce qui est dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah a créé, et qu'est-ce qui est mentionné dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les deux ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on trouve une contradiction quelconque entre les deux, ça vient de notre erreur, de notre compréhension à nous. D'accord? Et dans tous les cas, soit que c'est une erreur dans la compréhension qu'on a de la réalité de qu'est-ce qu'on observe dans l'univers, on pense qu'on observe quelque chose, on l'interprète d'une façon en particulier où on s'imagine que c'est ça alors que c'est pas ça, on fait des théories par rapport à la science ou par rapport à l'astronomie ou des choses comme ça, puis on se trompe. Ou bien, c'est une erreur dans notre compréhension du verset ou des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que il faut aller toujours vérifier les choses et analyser les choses correctement. Puis, de toute façon, il faut toujours s'arranger pour ne pas contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette la foi. Hein? Il rejette la foi. Donc il faut toujours vérifier que ce qu'on affirme comme élément soit en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux. Wallahu a'lam. Non, c'est pas correct de prétendre que la création c'est le Big Bang, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre, il a mentionné qu'il a créé les cieux et la terre en six jours, puis qu'ensuite il s'est levé au-dessus du trône. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Il n'a pas dit qu'il a fait un Big Bang. Non, non. Ça, c'est incorrect. Parce que ça, là, c'est l'erreur des gens qui essaient d'interpréter le Coran selon les théories scientifiques des kuffars. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que beaucoup de ces théories-là, c'est des théories erronées. C'est des théories erronées, fausses. Et donc, en plus, personne n'était là à ce moment-là. C'est Allah qui connaît comment il a créé les choses. Et nous, ce qu'on sait de ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné. Ce que les scientifiques essaient de déduire, ou essaient de comprendre, ou essaient de calculer de ces choses-là, c'est des efforts humains limités. Hein? Et ils peuvent se tromper, ils ne sont pas faillibles là-dedans. Hein? Ils sont pas infaillibles là-dedans, pardon. Donc c'est ça, ils sont pas infaillibles. Et donc, ils sont capables de faire plein d'erreurs dans ces questions-là, comme c'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent un modèle pour essayer d'expliquer le mieux possible qu'est-ce qu'ils observent. Puis après quelques années, un autre scientifique vient, il observe des nouvelles choses que d'autres n'avaient pas observées avant lui. Et là, il n'arrive plus à l'expliquer avec le modèle qu'ils ont fait précédemment. Alors, ils inventent un nouveau modèle pour essayer d'expliquer les nouvelles observations qui viennent compliquer la chose qu'ils avaient compris auparavant. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Hassan? Alhamdulillah. Oui, très bien, alhamdulillah. Donc, le cheikh, il dit, « والنجوم هي الكواكب » Donc les astres, les étoiles, c'est les astres, les planètes. Il dit مسخرات بأمره مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يفترون وهذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله مأمورة الله الذي يجريها والله الذي يوقفها فإذا شاء سبحانه وتعالى فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء يأمرها سبحانه وتعالى فتجري وتدور وتضيء بأمره الكون سبحانه وتعالى ويطلع هذا ويغرب هذا ويتعاقبان نصب الشمس والقمر والنجوم على العطف لأن السماوات منصوب لأنه مفعول وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم والأرض معطوف على السماوات منصوب بالفتحة ثم قال والشمس والقمر معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب مسخرات منصوب على الحال أي حال كونها مسخرات علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم قال ألا له الخلق والأمر دونك للشيخ يلزم مسخرات بأمره دونك و كيس كيلزي الله سبحانه وتعالى il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a votre Seigneur, certes votre Seigneur c'est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Il couvre la nuit du jour, ou la nuit par le jour, et ils se suivent rapidement. Il le suit rapidement. Et il a également créé le soleil et la lune et les étoiles qui sont soumis ou assujettis à son commandement. Le cheikh, il dit que assujetti à son commandement, c'est-à-dire du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les fait avancer et tourner éternellement de cette façon, ou bien toujours de cette façon. Et ça, c'est pour réfuter ceux qui adorent le soleil et la lune et les astres. Donc, c'est pour leur dire que ces étoiles, ce soleil, cette lune sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur mouvement. Ils sont commandés par Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ne sont pas divins. Ils ne méritent pas l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait circuler, les astres, et le soleil et la lune, et c'est lui qui les arrête quand il veut. Et ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et gérés et contrôlés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont aucun choix dans cette affaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au soleil, à la lune, aux astres, et il les fait circuler, il les fait tourner, et il les fait éclairer par son commandement dans sa création. C'est le commandement qu'on appelle le commandement kauni. Le commandement kauni, c'est-à-dire le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans sa prédestination. Il fait que un astre se lève et l'autre se couche, et un se couche, l'autre se lève, ainsi de suite. Et ils se suivent comme ça, ils se succèdent l'un après l'autre. Et dans le verset en arabe, le mot Ash-Shams wal-Qamar, il est mansoub. Il est mansoub, ça veut dire il prend une fatha. Il prend une fatha, ça veut dire c'est il est sujet. Le soleil est sujet et la lune est sujet. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux créés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça signifie. Donc, ils sont reliés au mot samawat, c'est-à-dire au mot cieux. Inna rabbakumullah alladhi khalaqa samawati wal ard. Donc, samawat, il est mansoub. Ça, c'est des termes de grammaire. Si vous avez étudié la grammaire, vous savez que les harakat sur les mots, à la fin des mots, sont de quatre. Il y a al-fatha, la kasra, al-dhamma et al-sukun. Et donc, selon le rôle du mot dans la phrase, il va changer. C'est ce qu'on appelle al-i'rab. Oui, c'est ça. Ok. Musakharat mansoub ala al-hal. مسخرات منصوب على الحال حال كونها مسخرات وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم قال ألا له الخلق والأمر نسبة à Allah سبحانه وتعالى qu'appartient le commandement et l'ordre donc c'est à lui qu'appartient le commandement et l'ordre ألا أداة تنبيه وتقرير له سبحانه وتعالى لا لغيره, لا لغيره. C'est-à-dire, c'est à lui, certes. Et Allah, c'est un terme ou un mot qu'on emploie pour attirer, pour prendre l'attention de la personne à qui on s'adresse et pour lui faire comprendre que on confirme, on insiste sur qu'est-ce qu'on dit. C'est-à-dire, oui, c'est à lui qu'appartient. La création et l'ordre, et à personne d'autre. Donc, al-khalq huwa al-ijad, fa huwa al-qadiru ala al-khalq iza arada, subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha. Donc, la création, c'est le fait de faire exister les choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de créer, de faire exister ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut, il crée comme il veut. Wal-amr, أمره سبحانه وتعالى وهو كلامه سبحانه وتعالى الكوني والشرعي. Donc l'ordre d'Allah سبحانه وتعالى, c'est son commandement, c'est sa parole aussi. Donc c'est son commandement dans sa création et c'est son commandement dans sa révélation aussi. Le Cheikh dit Amrul al-Kawni, là il explique la différence entre les deux. L'ordre dans la création et l'ordre dans la révélation. C'est quoi la différence entre les deux? الأمر الكوني هو الذي يأمره هو الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له مثل قوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أمرهما سبحانه وهذا أمر كوني أمر به السماوات والأرض فتكونت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا أمر كوني أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده يأمرهم بعبادته يأمرهم بالصلاة يأمرهم بالزكاة يأمرهم ببر الوالدين هذا أمره الشرعي يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. Donc, le Cheikh il dit que la création, l'ordre d'Allah dans la création, c'est l'ordre qu'il donne à ses créatures et ils obéissent et ils répondent à son ordre. Comme lorsque Allah il mentionne dans le verset 11, dans Surat Fussilat, il dit, alors Allah a dit à la terre, il a dit aux cieux et à la terre, Tiya taw'an aw karha, c'est-à-dire venez, bon gré, mal gré. C'est-à-dire, il leur ordonne de venir, hein, lorsqu'il les a créés. Donc, ça, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et lorsqu'il ordonne à sa créature, eh bien, elle n'a pas le choix que d'obéir, hein, dans son ordre, dans la création et dans la prédestination. Et donc, les cieux et la terre se sont créés et se sont formés. Et il mentionne le verset 82 dans Sourate Yassine. 82 dans Sourate Yassine. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il veut quelque chose, il n'a qu'à lui ordonner en disant soit et elle est. Il n'a qu'à lui ordonner en disant soit et elle est. Donc ça veut dire que ça c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Il fait, il n'a qu'à ordonner quelque chose pour que cette chose-là soit. Hein? Et ça ne peut pas être autre que ce qu'il a ordonné dans la création qui se produise. En ce qui concerne son ordre dans la révélation, dans la sharia, alors ça c'est sa révélation en fait. Hein, c'est qu'est-ce qu'il a révélé. Al-amru shar'i, c'est son commandement dans qu'est-ce qu'il a révélé dans sa législation. Et ça c'est sa révélation. Et c'est ce qu'il ordonne à ses serviteurs quand il leur ordonne de l'adorer. Quand il leur donne à ses créatures et à ses serviteurs qu'il l'adore, il leur ordonne de faire la salat, il leur ordonne de faire la zakat, il leur ordonne d'être bon envers les parents. Ça, c'est son ordre dans la révélation. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'ordre dans la création, on le connaît par qu'est-ce qu'on observe, parce que ce qu'on a vu, hein, de qu'est-ce qui existe. On sait que ça, c'est par l'ordre d'Allah que c'est créé. Mais l'ordre dans la révélation, on ne peut pas le connaître d'une autre manière que par la révélation. C'est-à-dire, l'ordre de la salat, de la zakat, ou du jeûne, ça, on ne peut pas le connaître juste par la création, par les moyens matériels que Allah a créés. Ça, on le connaît uniquement par le message des messagers et des prophètes, dans les livres et dans l'exemple de qu'est-ce que les prophètes ont expliqué et clarifié de qu'est-ce que Allah a révélé. De même que on peut inclure là-dedans dans l'ordre de la révélation les ordres et les interdictions qui sont dans le Coran. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est obligatoire dans la religion, hein, et ainsi de suite. Donc ça c'est dans le Coran. Et également dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça fait partie de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا كان هذا له الخلق وله إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لخيره سبحانه وتعالى. Donc si l'ordre et le commandement Et si l'ordre, le commandement et la création appartiennent uniquement à Allah, alors qu'est-ce qui reste à quel, qu'est-ce qui reste à autre que lui? Que reste-t-il à autre que lui? Rien. Puisque c'est à lui qu'appartient l'ordre, et c'est à lui qu'appartient le commandement, le commandement, et c'est à lui qu'appartient la création. Donc, l'ordre et la création, c'est, il n'y a rien d'autre en dehors de ça. La création, c'est qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'Allah a créé, et le commandement, c'est qu'est-ce qu'Allah a révélé. Donc, les deux, si tout ça, ça appartient que à Allah, il reste rien d'autre pour quelqu'un, il reste rien pour quiconque en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, وَلِهَذَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرْ لَمَّا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَا قَالْ مَا لَهُ شَيْءٍ مَنْ لَهُ شَيْءٍ فَلْيَطْلُبْهُ. Et c'est pour ça que Ibn Omar, lorsqu'il a récité ce verset-là, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ الْأَمْرِ, Ibn Omar, il a dit, après avoir lu ce verset, celui qui possède quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il le demande, qu'il le réclame. Celui qui possède quelque chose autre que Allah ou en dehors d'Allah, alors qu'il vienne le réclamer, qu'il le réclame, dans la création ou dans l'ordre d'Allah. Et personne ne peut rien réclamer de la création d'Allah, puisque tout ce qui existe, c'est lui seul qui l'a créé et ça appartient à lui seul. Donc personne ne peut rien réclamer de ces choses-là. Après le cheikh il dit, ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر ففيه رد على من يقول بخلق القرآن لأن القرآن من الأمر وأمر الله ليس مخلوقا لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمر فجعلهم شيئين متغيرين والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن قال هل القرآن من الخلق أو من الأمر قالوا القرآن من الأمر قال الأمر غير مخلوق الله غاير بينه وبين الخلق فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا الأمر كلام أما الخلق فهو إيجاد وتكوين. أما الخلق فهو إيجاد وتكوين يوجد فرق بينهما. الشيخ الزي que donc ce verset-là, Allah lahu al-khalq wal-amr, n'est-ce pas à lui le commandement et la création et le commandement, ça c'est la preuve qu'il y a une différence entre la création et le commandement. Les deux sont pas la même chose. Et ça c'est une des preuves qui a été mentionnée par les ulama pour réfuter ceux qui disent que le Coran est créé parmi les Mu'tazila, les gens de la secte des Mu'tazila qui ont fait la fitna à l'époque de l'imam Ahmad et qui ont commencé à dire que le Coran est créé. Ils ont utilisé ce verset-là pour les réfuter. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ici que c'est à lui qu'appartient la création et l'ordre. Donc la création c'est une chose et l'ordre c'est une chose. Parce que eux, les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, tout ce qui existe est créé par Allah. Donc, le Coran est créé. Et l'imam Ahmad, il a répondu, il a dit non, regardez qu'est-ce qu'Allah il dit. Il dit, c'est à lui qu'appartient la création et l'ordre. Donc il y a la création et il y a l'ordre. Et le Coran fait partie de l'ordre. Il ne fait pas partie de la création. Puisque c'est l'ordre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est son commandement. Et le commandement, il n'est pas créé, puisque c'est le commandement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était la réponse qu'il a donnée. Donc, le commandement d'Allah, il n'est pas créé. Hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une distinction entre la création et entre le commandement. Et il a fait de ces deux choses-là deux choses différentes. Et le Coran entre dans l'ordre d'Allah, dans le commandement d'Allah. Et il n'est pas créé. Et c'est avec ça, c'est avec cet argument que l'imam Ahmad a écrasé les Jahmiyyah lorsqu'ils lui ont demandé de dire que le Coran est créé. Il leur a dit, est-ce que le Coran fait partie de la création ou bien du commandement? Ils ont dit, le Coran fait partie du commandement. Alors il a dit, donc le commandement n'est pas créé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une distinction entre le commandement et la création. Et il a fait de la création une chose et de l'ordre une chose différente. Et le commandement, c'est une parole. Hein, en ce qui concerne la création, alors ça c'est, qu'est-ce qui existe, hein, qu'est-ce qui est venu exister par la suite. Et la révélation fait partie du commandement. Hein, c'est une parole. Comment on connaît le commandement d'Allah dans la révélation? Parce que le commandement, on a expliqué qu'il y a deux, il y a l'ordre dans la création et l'ordre dans la révélation. L'ordre dans la création, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « soit » et « c'est ». C'est un ordre, hein, par la création. Et il y a l'ordre dans la révélation par lequel il nous fait connaître son commandement. On ne pourrait pas le connaître sauf si... Hein, on ne pourrait pas le connaître si Allah n'avait pas fait descendre sa parole dans ses livres par ses messagers. Donc, il y a une différence entre le commandement et la création. Ensuite, le Cheikh dit Tabarakallah, ay ta'azam alladhi hadhihi af'aluhu subhanahu wa ta'ala. Hadhihi qudratuhu wa hadhihi makhluqatuhu tabarak wa ta'ala. Tabarakallah, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté et qu'il soit élevé. Et qu'il soit vénéré, et ainsi de suite. Celui dont ses actions sont telles que Allah les a mentionnées dans ce verset. Hein? Celui dont la puissance est telle qu'il l'a mentionnée dans ce verset. Hein? Celui qui a créé les créatures qu'il a mentionnées dans ce verset. Qu'il soit exalté, qu'il soit vénéré, qu'il soit respecté. Tabaraka. Le Cheikh il dit تبارك فعل خاص به فلا يطلق على غيره والبركة هي كثرة الخير ونماؤه وبركة الله جل وعلا لا تتناهى أما المخلوق فلا يقال له تبارك وإنما يقال له مبارك يعني بارك الله فيه وجعله مباركا والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique que tabaraka, c'est un verbe qui est spécifique à Allah. On peut pas l'utiliser pour autre que lui. Et la baraka, ça veut dire la grande quantité de bien. Le bien qui augmente, un bien qui est augmenté. Quand Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans quelque chose, ça veut dire qu'il fait en sorte que cette chose-là, malgré qu'elle est petite, elle amène beaucoup de bien. C'est ça la baraka. C'est comme quand on dit, ah, mashallah, cette nourriture, il y a de la baraka là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tout le monde est rassasié. Hein? Il y a beaucoup de bien dedans. Donc c'est ça la baraka. Et donc, quand on dit donc que quelque chose, il y a une baraka dedans, ça veut dire qu'elle est, il y a beaucoup de bien et les barakas d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qu'Allah a bénies, elles sont illimitées, elles sont sans fin. Les bénédictions d'Allah sont illimitées. Et en ce qui concerne les créatures, on ne doit pas dire à leur sujet tabaraka. Ça c'est juste pour Allah tabaraka. On dit au sujet des créatures mubarak. On dit à propos d'une créature qu'elle est mubarak, c'est-à-dire qu'elle est bénie. Wa alaykum salam wa rahmatullah. يعني بارك الله فيه جعله مباركا. On dit بارك الله فيك, que Allah mette la bénédiction en toi. On dit pas تبارك à un être humain. On dit ça juste à Allah. On dit بارك الله فيك. Et toute la baraka vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi une chose que vous allez entendre des fois de la part de certaines personnes, surtout des gens qui viennent de l'Afrique du Nord. Parfois ils vont dire Mabrouk, Mabrouk. Ça c'est pas correct en arabe, parce que Mabrouk on le dit à propos du chameau, hein, quand il s'assoit, on dit qu'il est Mabrouk Baraka Yabroukou. Ça c'est pour le chameau, Mabrouk. Ok, donc c'est pas correct de dire ça en arabe. Les gens le disent, mais ça c'est pas de l'arabe classique, c'est de l'arabe de la rue. Ok, le vrai arabe tu dis Mubarak. Ok, pas Mabrouk. Ensuite le cheikh il dit رب العالمين مثل ما سبق ففي هذه الآية تقرير التوحيد, توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما سبق. Donc رب العالمين تبارك الله رب العالمين, que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté, le Seigneur des mondes. Comme qu'est-ce qu'on a expliqué déjà précédemment, donc ce verset-là vient confirmer encore une fois le tawhid. Le tawhid dans la souveraineté d'Allah et le tawhid dans l'adoration, comme on l'a expliqué précédemment. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné, il a dit وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc, il mentionne qu'en premier, الرب, le Seigneur, c'est Al-Ma'boud, celui qui est adoré. Hein? Et il dit que la preuve de ça, c'est le verset suivant, versets 21 et 22 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont, et qui a créé ceux qui vous ont précédé, pour que vous puissiez avoir la taqwa. » Que vous puissiez avoir la taqwa. C'est-à-dire faire ce que Allah vous ordonne et vous écarter de ce qu'Allah vous interdit. Hein, pour vous protéger du châtiment d'Allah, puis pour avoir sa récompense de son paradis. Celui qui a fait de la terre pour vous comme un tapis, et qui a fait pour vous du ciel comme un toit, et qui a fait descendre du ciel pour vous une eau par laquelle il fait sortir les fruits comme une subsistance pour vous. Alors ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration, alors que vous savez que c'est lui seul qui a créé tout ça. C'est ça que ça signifie. Donc, le cheikh explique ça, il dit « قوله الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة أما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا وهذا وجه كلام الشيخ رحمه الله بقوله الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى ويفعلها مخلصا له سبحانه وتعالى فما دام أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر بأنه أو أن يقر أنه هو المعبود وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que le Seigneur c'est lui qui est celui qui est adoré. Al-Rabb huwa al-Ma'bud. Al-Rabb c'est le Seigneur, le Maître, le Créateur, le Tout-Puissant, et al-Ma'bud, hein, c'est lui. Al-Ma'bud ça veut dire celui qui est adoré. D'accord? Et il dit dans quel sens, pourquoi il dit ça. On sait que Tawhid al-Rububiyya, ça vient du mot Rabb. Et Tawhid al-Ibada, ça vient de al-Ibada. Tawhid al-Ibada, ça vient de Abada ya'budu. Et le Ma'bud, c'est celui qui est adoré. C'est la même racine que Abada ya'budu. Hein? C'est al-Ibada. Donc al-Ma'bud, c'est celui qui est adoré. Et en général, qu'est-ce qu'on dit? On dit que al-Ma'bud, quand on utilise le terme, ou quand on dit al-Ma'bud, on l'utilise pour dire la signification du mot ilah. Pas du mot Rabb. Hein? Puisqu'il y a une différence entre Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Rububiyya, ça vient de Rabb, et Tawhid al-Uluhiyya, ça vient de al-Ilah, al-Uluhiyya, ou bien al-Ilah. C'est-à-dire, on dit que al-Ilah, ça veut dire al-Ma'bud. Ok? Al-Ilah ou al-Ma'bud. Sa'anahab, le mot al-Hayya'lahu, ça veut dire abadaya'budu, ça veut dire adorer. D'accord? Mais le Cheikh ici, pourquoi il dit al-Rab ou al-Ma'bud? Et pourquoi il ne dit pas al-Ilah ou al-Ma'bud? Parce qu'en fait, il essaie, et qu'est-ce qu'il veut faire en réalité? C'est expliquer que la Rububiyya, c'est une preuve pour établir l'adoration d'Allah lui seul. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise toujours la Rububiyya comme argument contre les mushrikines pour leur faire affirmer Tawhid al-Ibada. C'est-à-dire que pour leur faire comprendre que, étant donné que vous êtes d'accord que c'est Allah qui a tout créé, que c'est lui le seul maître de l'univers, alors arrêtez d'adorer les idoles, arrêtez d'adorer les saints, arrêtez d'adorer Jésus ou Marie ou les autres, et adorez Allah seul, puisque vous êtes d'accord que c'est lui seul le maître, et que c'est lui seul le créateur. Donc vous n'avez pas besoin d'adorer d'autres que lui. C'est lui qui vous suffit. Hein? Donc, dans ce sens-là, le Cheikh il dit « Ar-Rab huwa al-Ma'bud ». C'est lui qui mérite vraiment d'être adoré. C'est ça que ça veut dire. Ar-Rab huwa al-Ma'bud. C'est-à-dire, huwa alladhi yastahiqqu al-ibada. C'est ça que le Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit que ça veut dire c'est lui qui mérite réellement d'être adoré. Les autres que vous adorez, autres que Allah subhanahu wa ta'ala, autres que le Rab, ils ne méritent pas d'être adorés. Vous les adorez, mais ils ne méritent pas d'être adorés. Hein? Puisqu'ils ne sont pas Rab. Ils ne sont pas Rab. Hein? C'est pour ça donc qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il ne mérite pas d'être adoré parce qu'il n'est pas Rab, il n'est pas le créateur, il n'est pas le pourvoyeur, il n'est pas le maître, il n'est pas celui qui fait vivre, il n'est pas celui qui fait mourir, il n'est pas celui qui donne, il n'est pas celui qui retient, hein? Il n'est pas celui qui... ainsi de suite, il y en a toutes les caractéristiques qu'il a de perfection. Il ne possède aucune de ses attributs de perfection, donc il ne mérite pas d'être adoré. Hein? Donc le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la parole du Cheikh quand il dit Al-Rabb ou Al-Ma'bud, c'est dans ce sens-là. Dans le sens que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Puis, c'est pas suffisant pour quelqu'un de dire je crois en Tawhid al-Rububiyya. Je crois que Allah c'est le maître, le créateur, le pourvoyeur, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il ait affirmé Al-Ubudiyya pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Hein? Et qu'il l'adore avec sincérité et pureté. Pour Allah seul, quand il adore Allah, il adore lui seul, il n'associe rien avec lui. Donc, du moment que quelqu'un affirme que Allah, c'est lui le seul créateur, c'est lui le seul maître, alors il est obligé d'affirmer que c'est lui qui mérite d'être adoré. Sinon, il se contredit. Du moment que tu dis, oui, il y a un seul créateur, il y a un seul maître, c'est lui seul qui a créé l'univers, c'est lui seul qui est le Tout-Puissant, t'es obligé de juste l'adorer, lui, et de ne pas adorer d'autre que lui. Sinon, tu te contredis. Tu fais le contraire de ce que tu prétends. Hein? Donc, tu dois affirmer, si tu dis que Allah c'est le maître et le créateur, que c'est lui le Rab, alors tu dois affirmer que c'est lui qui mérite seulement d'être adoré, et tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. et tu dois croire que rien en dehors de lui ne mérite quoi que ce soit de l'adoration. والدليل أن العبادة خاصة خاصة بالرب قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc, la preuve que l'adoration elle est uniquement à Allah, c'est dans le verset 21-22 dans Al-Baqarah. Ce verset-là, il est clair sur le tawhid al-Rububiyya et sur le tawhid al-Ibadah. Et il montre dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise l'argument de la Rububiyya contre les mushrikin en affirmant Ar-Rububiyya pour leur faire comprendre que s'ils affirment Ar-Rububiyya, ils doivent adorer lui seul. Non, c'est ça que ça signifie. Et le cheikh, c'est ça qu'il explique. Hein? Puisque à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné tout ce qu'il a créé, et qu'il a créé les hommes, qu'il a créé le ciel, qu'il a créé la terre, et ainsi de suite, et qu'il fait descendre la pluie, qu'il fait sortir les fruits, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il dit après? Ne lui donnez pas des égaux, alors que vous savez. C'est-à-dire, adorez pas d'autres avec lui, faites pas des égaux avec Allah dans l'adoration, alors que vous savez que c'est Allah qui a créé les cieux, que c'est Allah qui a créé vous-même et vos ancêtres, et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qui fait descendre la pluie, et qui fait pousser les fruits. Vous êtes d'accord avec ça? Adorez pas d'autre que lui, donnez-lui pas des égaux. Et donc il dit, le cheikh dit, ya ayyuhan nas, hadha nida'un min Allah li jami' nas, al-mu'minin wal-kuffar. لأن الله ذكر في هذه السورة سورة البقرة انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il dit يا أيها الناس. يا أيها الناس ça veut dire ô vous les hommes. Donc il s'adresse à toute l'humanité, les croyants et les non-croyants, les musulmans et les non-musulmans. Parce que dans cette sourate, dans سورة البقرة, depuis le début de la sourate jusqu'à cet endroit-là, il parle des hommes et les divise en trois catégories. Il divise les hommes en trois catégories dans le début de Baqara. C'est pour ça que c'est très important de réfléchir sur les versets de l'introduction de Surat al-Baqara. Qu'est-ce qu'il dit? Cher, il dit il y a trois catégories donc parmi les hommes. La première catégorie, القسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر وصفهم الله بأنهم هم المفلحون في قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Que la première catégorie c'est les croyants. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans ce verset. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? À la fin de ces versets-là, les premiers versets, il dit ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Allah les a décrits en disant qu'ils auront le succès. Le verset 5 dans Al-Baqarah. Donc les cinq premiers versets sont au sujet des croyants. Les croyants purs, intérieurement et extérieurement. Ils ont cru avec leur cœur et ils ont fait les actions qui sont mentionnées dans le Coran. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala les décrit comme étant ceux qui font la salat, comme étant ceux qui donnent de leurs biens, ils dépensent, et ainsi de suite. Et il dit que ce sont eux qui auront le succès. Après, la deuxième catégorie, ce sont les kuffars. Il y a deux versets sur les kuffars. Kuffars clairs, déclarés. Ceux qui rejettent la foi ouvertement. Ok. Tu vas voir. on y arrive, inshallah. Donc, les kuffars déclarés. القسم الثاني الكفار الذين أظهروا الكفر والعناد. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Donc la deuxième catégorie, c'est les kuffars déclarés. Les mécréants déclarés qui ont montré leur kuffr et qui ont montré leur opposition à la foi, ouvertement. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, ceux qui ont mécru, ça leur est égal que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, hein, c'est la même chose. Ils ne vont pas croire. Que tu les avertisses, que tu les avertisses pas, ils vont pas croire. C'est égal, les deux. Verset 6. Hein? Et le verset 7 aussi, qui continue ce verset-là. Oui. Ça, c'est au début de Baqara, oui. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala, hein? ختم الله على ختم الله على ها ختم الله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى a scellé leur cœur et leurs ouïes, c'est-à-dire leurs oreilles. Et sur leurs yeux, il y a un voile qui les recouvre. Hein? Et ils auront un châtiment, un grand châtiment. Et il y a la troisième catégorie, c'est les koufars qui cachent leurs mécréances. Tu m'as demandé tout à l'heure, hein? Et là maintenant c'est ça, ce sont les munafiqoun, les hypocrites. Ils montrent leur foi, ils cachent leur mécréance. Le cheikh, il dit, al-munafiqun, laissou, hein, ma'al kuffar, wa laissou ma'al mu'minin. Ah, ça c'est compliqué. Ils sont pas avec les kuffars, mais ils sont pas avec les croyants. Ils sont ni avec ceux-là, ni avec ceux-là. Les munafiqun. En réalité, ce sont des kuffars, mais ils montrent pas leur mécréance. Oui. Munafiqun, ça veut dire ceux qui montrent qu'ils sont musulmans, mais qui cachent dans leur cœur leur mécréance. Donc, ils sont pas avec les mécréants complètement, puisque ils font pas comme les mécréants complètement, puisque ils montrent la foi. Ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, font la salat, font la zakat, pratiquent l'islam. Donc, ils sont pas avec les kuffars complètement. Mais ils ne sont pas avec les mu'minines non plus, puisque dans leur cœur, ils n'ont pas la même croyance que les mu'minines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit dans le verset 143, dans Surat An-Nisa. Verset dans Surat An-Nisa, le verset 143. Il dit quoi ? Muzabzabina bayna dhalika. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a bien décrits dans le Coran. Et il a dit, ils sont entre les deux. Hein, ils sont pris entre les deux. Ni avec ceux-là, et ni avec ceux-là. C'est comme s'ils essaient de faire plaisir aux deux groupes. Ils veulent faire plaisir aux mu'minines, puis ils veulent faire plaisir aux kuffars. En même temps. Donc, hein, comme on dit, ils ne savent pas de quel côté se mettre. Eh bien, le cheikh, il dit, فَهُمْ مُؤْمِنُونَ فِي الظَّاهِرِ وَلَكِنْ ولكنهم كفار في الباطن. Donc ils sont croyants en apparence, mais dans leur cœur, à l'intérieur, ils sont avec les kuffars. Oui, mais c'est juste pour donner plus d'exemples. Oui, c'est juste pour donner plus de clarification. Sinon, il y a 13 versets qui parlent des munafiqin après. Regardez par exemple, il y a les 5 premiers versets sur les mu'minin. Il y a les 2 versets ensuite sur les kuffars clairs. Et les 13 autres versets sont sur les munafiqin jusqu'au verset, donc le verset 8 jusqu'au verset 20, 8 jusqu'au verset 20. Ça veut dire 13 versets sur les munafiqin. Les ulama, ils ont expliqué à propos de ce verset, à propos de ça justement, que ça c'est la preuve que les munafiqun sont plus dangereux que les kuffars. Parce que Allah, il nous a parlé d'eux en 13 versets, tandis que les vrais kuffar, il nous a juste parlé en 2 versets. Hein? Parce que les kuffar sont visibles, on le sait, tu vois. Les juifs, les chrétiens, hein, les athées, les mushrikoun, hein, les hindous, les bouddhistes, les autres croyances de kuffar et de shirk, on les connaît. Mais les munafiqoun, en fait, les ulama, ils ont dit, il n'y a personne qui se sent en sécurité de l'hypocrisie, excepté un hypocrite. C'est grave, hein? Bien entendu, c'est pas la mécréance majeure. Parce que la mécréance est de deux catégories. Al-nifaq al-akbar ou al-nifaq al-asghar. Al-nifaq al-akbar, c'est les gens là, ils détestent l'islam. Ils sont contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont contre qu'est-ce qui est dans le Coran. Ils détestent la religion, mais ils prient, ils jeûnent, ils font le hajj. Ils vont même faire le jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand ils font le jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils souhaitent que c'est les kuffars qui gagnent. Au lieu que ce soit les musulmans. Hein? Donc ça c'est les munafiqoun. Soit avec les musulmans avec leur corps, mais soit avec les kuffars avec leur cœur. C'est ça les munafiqoun. Donc ils sont plus dangereux que les kuffars en apparence, puisqu'on ne les reconnaît pas en apparence. Ok? Et comme tu dis, toi, l'exemple de qu'est-ce que Omar ibn Khattab avait dit, par exemple, quand il est allé voir Huzaifa pour lui demander est-ce que mon nom est dans le nom des munafiqins? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait chaque munafiq. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé. Il avait dit, lui, hein, il savait, lui c'est un munafiq, lui c'est un munafiq, lui c'est un munafiq, lui c'est un munafiq. Mais, il le disait pas à personne. Et, il les attrapait pas pour les punir. Pour leur nifaq. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se basait sur l'apparence. Qu'est-ce qui sort de l'apparence de la personne, de ses paroles et de ses actions? Ils ne se basaient pas sur le qu'est-ce qui est dans leur cœur. Et donc c'est pour ça qu'ils ne les punissaient pas. Hein? Ils les laissaient. Il avait la révélation. Il connaissait les munafiqins, mais il leur laissait. Hein? Malgré qu'ils savaient, il les laissait. Tant qu'ils ne faisaient pas quelque chose qui montre le coffre ou l'égarement ou la mécréance. Oui, en plus, il prie avec les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les laissait, et c'est pour ça qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar est allé, il allait voir, il dit, est-ce que mon nom est parmi eux? Parce qu'il a toujours peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il y a une autre catégorie de nifaq, qu'on appelle un nifaq pour l'amali. Le nifaq amali ou bien le nifaq al-asghar. Et ça, tous les musulmans ont là, de plus ou moins, différents niveaux. Ça, c'est le nifaq dans les péchés. C'est-à-dire qu'on contredit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est-à-dire qu'on contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des péchés. Et on se dit croyant. Mais on sait que ce qu'on fait, c'est haram, on aime Allah, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime l'islam, mais on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné au sujet du munafiq, il a dit, ayatul munafiq salat. Hein? Iza haddatha kadhab, wa iza tumina khan, wa iza khasama fajar, wa iza ahada ghadar, une quatrième aussi, dans certaines narrations. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Lorsqu'il fait une entente, il manque à son entente. Lorsqu'on lui donne un dépôt, il ne respecte pas son dépôt, il n'est pas fiable. Et lorsqu'il dispute, il est injuste et grossier parfois, et aussi injuste dans les Amali ou bien Nifaq Asghar. Ça c'est nifaq amali. Ça c'est dans les actions. Si quelqu'un il a ces caractéristiques là, il a les caractéristiques de l'hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'il est munafiq nécessairement, mais c'est des caractéristiques du munafiq. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min an-nifaq. Celui qui n'a pas eu qui n'a pas lutté, n'a pas combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille, dans le jihad, ou bien celui qui n'a pas combattu dans le jihad à son époque, pas juste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toute époque où il y a le jihad, et qu'il n'a pas eu l'intention, il ne s'est pas dû à lui-même d'avoir l'intention de le faire, il meurt sur une des branches de l'hypocrisie. Donc ça veut dire que l'hypocrisie, elle a plusieurs branches. Mais si tu as une branche de l'hypocrisie, ça ne veut pas dire que tu es un munafiq. Ça ne veut pas dire que tu as un nifaq qui te fait sortir de l'islam, comme les kuffars, hein, les munafiqin, le nifaq akbar. Donc il y a le nifaq akbar et il y a le nifaq asrar. Il faut faire la différence entre les deux. Oui, le nifaq akbar, c'est le nifaq qui fait sortir de l'islam. Et le nifaq asrar, c'est le nifaq qui ne te fait pas sortir de l'islam, mais qui diminue ta foi. Et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parfois, qui ne pratiquent pas l'islam. Ils disent, moi, je ne veux pas commencer à faire la prière, parce que je ne veux pas devenir un munafiq. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il s'imagine que s'il devient quelqu'un qui prie, commence à pratiquer l'islam, il pense qu'il doit être, il pense qu'il va être parfait à 100%, qu'il va jamais pécher. Puis que s'il devient pratiquant, puis qu'il commence à prier, puis qu'il commet un péché par la suite, ça y est, il devient munafiq. Non, c'est pas ça. Le munafiq, c'est pas, ça c'est pas un nifaq qui fait sortir de l'islam. Ça c'est pas un nifaq dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé que ceux-là seront dans le plus bas niveau de l'enfer. Non, ça c'est une autre catégorie de nifaq qui ne fait pas sortir de l'islam, qui diminue ta foi. Il faut s'écarter de ça, il faut se repentir de ces péchés-là. Hein? Mais il ne faut pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois à des gens qui accusent d'autres d'être des munafiqin. Il ne faut pas dire ça, comme si, ah lui c'est un munafiq. Parce que ça équivaut au kufr quand tu dis ça. C'est comme si tu fais le takfir. C'est dangereux. Hein? De la même manière, tu ne vas pas dire à quelqu'un, ah lui c'est un kafir, mais tu ne dois pas dire, ah lui c'est un munafiq. Hein? Mais si tu vois qu'il fait des actions qui ressemblent aux actes des munafiqins, tu peux dire, lui il agit comme agissent les munafiqins. Ou bien il a une caractéristique des munafiqin. Tu peux pas dire lui c'est un munafiq, parce que si tu dis ça, c'est comme si tu l'avais fait sortir de l'islam. Ça c'est très dangereux. C'est parce que non, c'est pas la même chose. En français, c'est pas nécessairement la même chose. Pourquoi? Parce qu'en français, la définition du mot hypocrite en français, quand on l'utilise, ça peut être employé dans le sens de quelqu'un qui est hypocrite sans que ce soit nécessairement relié à la religion, puisque les gens, même les koufars utilisent le terme hypocrite entre eux. Comme par exemple quelqu'un qui parle derrière le dos de quelqu'un d'autre, on va dire, ah lui c'est un hypocrite, il est hypocrite, il dit pas, il parle derrière mon dos, c'est un hypocrite, quand il me voit il me sourit, puis derrière mon dos il parle contre moi. Donc les gens vont dire ça c'est une hypocrite, mais c'est pas pour dire que c'est un munafiq qui est kafir, tu vois, c'est pas dans ce sens là. Ouais, c'est ça, c'est une forme de nifaq d'agir comme ça, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a maudit celui qui est dhul wajhain, c'est-à-dire celui qui a deux visages. Il vient vers ceux-ci avec un visage, puis il vient avec ceux-là avec un autre. Il a dit ça c'est dhul wajhain. Hein? Il y a une menace qui est mentionnée dans le hadith à ce sujet-là. Et il les a comparés, les salafs les ont comparés au caméléon. Hein? Al-hirba en arabe. Il vient, il change de couleur chaque fois qu'il va quelque part. S'il est sur un arbre, il devient la couleur de l'arbre. S'il est dans le sable, il devient la couleur du sable. Tu ne peux pas le voir. Parce qu'il s'adapte à chaque fois à son environnement, tout le temps. Donc ça, c'est des caractéristiques des munafiqines aussi. Mais ce n'est pas le nifaq akbar, c'est le nifaq asrar. Hein? Donc, c'est bien de distinguer entre les deux. Nifaq amali aussi. On peut dire nifaq amali, nifaq qalbi. Le nifaq du cœur et le nifaq des actions. Sauf qu'il y a certaines formes de nifaq, il y a certaines formes de kufr amali parfois, qui sont aussi des formes de kufr majeur. Hein? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Donc il explique qu'il y a trois catégories. Ensuite il dit Fahoum, ok. وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم ولهذا أنزل الله فيهم بضع أنزل فيهم بضع عشرة آية بينما أنزل في المؤمنين آيات كثيرة أو قليلة عفوا وفي الكفار آيتين أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله ومن الناس من يقول آمنا إلى قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم لما ولما ذكر هذه الأصناف الثلاثة قال يا أيها الناس هذا دعاء لجميع أصناف المؤمنين والكفار والمنافقين قال العلماء أول نداء في المصحف وهو هو هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Donc le cheikh il dit que les munafiqun sont pires que les kuffars qui montrent leur mécréance. Et c'est pour ça qu'Allah a révélé environ 13 versets sur les munafiqun dans sourate Al-Baqarah. Tandis que sur les croyants, il a révélé juste 5 et sur les kuffars juste 2. Et il dit en ce qui concerne les munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il mentionne à partir du verset 8 jusqu'au verset 20, il commence en disant, et parmi les hommes, il y en a qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas vraiment croyants. Hein, ils ne sont pas croyants. Et il termine en disant, yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Hein, al-barq, c'est l'éclair, la foudre. Hein, la foudre. Hein, il s'en manque peu pour que la foudre leur arrache leur vue, leur arrache la vue avec la lumière quand elle éclaire sur eux, la foudre. Donc ça c'est les exemples qui sont mentionnés au sujet des munafiqines. Et pour, tout ça c'est pourquoi c'est pour montrer le grand danger et la laideur des munafiqin et de ce qu'ils font. Et dans un autre verset, dans Surat al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala même, il a mis une surat au complet. Il l'a appelée Surat al-Hein. Comme si cette surat, on l'appelle Surat al-Munafiqun. Iza ja'ak al-Munafiqun. Ça commence comme ça le verset. Et cette surat commence comme ça. Et, dans cette surat, Allah il dit quoi? Il dit Humul adou fahdharhum. C'est-à-dire, ce sont eux les dangers. Ce sont eux l'ennemi. Alors, prenez garde à eux. Ce sont eux l'ennemi. Humul adou. Fahzarhum. Alors, faites attention, prenez garde à eux. Qatalahum Allah anna yufakun. Qatalahum Allah. Ça veut dire qu'ils soient maudits. C'est ça que ça veut dire. Qatalahumullah. C'est une façon qu'on utilise pour quand on veut maudire quelqu'un. Et c'est comme quand on dit qabbahahumullah ou bien qatalahumullah. Des expressions comme ça, c'est quand pour maudire quelqu'un. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? c'est que donc ça c'est des versets qui décrivent les munafiqin et il y en a beaucoup d'autres, ça c'est juste quelques-uns, hein. Et c'est très important de parler des munafiqoun, et en particulier à notre époque, parce qu'il y a plein de gens qui ont des caractéristiques des munafiqin, et surtout parmi les gens aujourd'hui qui appellent à la laïcité, à la démocratie, à toutes ces idéologies-là qui sont contraires à l'islam. Donc c'est très important de les démasquer, ces gens-là. Oui, c'est vrai. Exactement. Mais il y a des fois, c'est ça. C'est des exemples aussi, il y a des gens qui... C'est pour ça que les ulama, ils ont... Parfois, ils ont calculé les gens de bid'a. Ils ont mentionné pour les critiquer des versets qui sont révélés au sujet des munafiqins. Ils prennent les versets qui parlent des munafiqins et ils les appliquent sur les gens de bid'a, parce que les gens de bid'a, ils ont beaucoup de caractéristiques des munafiqins, parce que ce sont des gens qui suivent leur passion, hein. C'est pour ça que les gens de bid'a, tu les regardes, tu retrouves en eux beaucoup de caractéristiques des munafiqins, parce que ils se disent musulmans et en fait ils inventent des choses qui font pas partie de l'islam. Donc ils contredisent l'islam, puis ils se disent musulmans. Et non seulement ça, même il y en a parmi maintenant les gens qui se disent sunnis, qui se disent être sunnis, puis qui sont sur la bid'a. Hein? C'est vrai. Il y en a qui se disent salafi, et puis ils sont des khawarij ou des gens d'autres bid'a. Ceux-là, ils agissent aussi comme les munafiqins, parce que quand ils sont avec des salafis, ils essaient de se montrer salafis. Quand ils sont avec les khawarij, ils disent on est avec les khawarij. Ça, c'est aussi, c'est une attitude comme les munafiqins. Ils détestent les salafis, mais ils essaient de se faire passer pour les salafis. Bon, ça, c'est des exemples. Et après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? لهذا ذكر هذه الأصناف الثلاثة يا أيها الناس يا أيها الناس. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? Il dit. Donc, il a mentionné le danger des munafiqins, après il a mentionné les trois catégories. Et puis après avoir mentionné les, bon, disons que plutôt il a mentionné les munafiquins, il a mentionné les trois catégories, les croyants, les kuffars et les munafiqins, et après il a dit ô vous les hommes, il parle à tous les trois catégories, c'est-à-dire il parle aux mu'minins, aux kuffars et aux munafiqins. Et les ulama ont dit que ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, c'est le premier verset dans lequel Allah appelle les hommes et il s'adresse aux hommes. Parce qu'il y a, on appelle ça nida. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal ladhina amanu. Donc ça c'est des versets dans lesquels Allah s'adresse à ses créatures. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle nida. Il dit ubudu fi'lu amrin ay اخلصوا له العبادة. وعليكم السلام ورحمة الله. اخلصوا له العبادة لماذا؟ لأنه ربكم, لأنه ربكم, والعبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم, من الأمم كلهم خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات. Donc Allah il dit ensuite, donc ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. U'budu rabbakum. U'budu, c'est le verbe impératif de adorer. C'est-à-dire c'est il ordonne aux hommes d'adorer, de l'adorer. Adorer, c'est-à-dire pas juste adorer Allah, adorer lui seul. Faites que votre adoration pour lui soit pure et uniquement pour lui. C'est ça que ça veut dire. Adorez donc votre Créateur, parce que l'adoration ne peut être valable excepté si elle est faite uniquement pour lui. Puis ensuite, il a mentionné la preuve de ça. C'est quoi la preuve que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré? C'est parce que c'est lui qui vous a créé. Donc c'est lui seul qui mérite d'être adoré, puisque c'est lui seul qui vous a créé. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et ceux qui, non seulement il vous a créé vous, mais il a créé ceux qui étaient là avant vous, pour que vous puissiez avoir un taqwa. Donc il a tout créé, toutes les créatures, tous les hommes. Il a créé les anges, il a créé les djinns, il a créé les hommes. Il a créé toutes les créatures qui existent. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذَا تَدَبَّرْتُمْ هَذَا فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يُسَبِّبَ لَكُمُ التَّقْوَى. إذا تدبرتم أنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى في عبادته، لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار، لأنه لا يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Pour que vous puissiez atteindre la taqwa. Comme on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire de faire ce qu'Allah nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit par espoir en son paradis et par crainte de son enfer. C'est ça la taqwa. Et donc, tu fais ça avec la connaissance qui t'a été donnée par Allah, qui t'a été donnée dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu fais ça dans le but d'obtenir cette taqwa. Après avoir médité sur le fait que vous êtes des créatures d'Allah et sur le fait que Allah a créé ceux qui existaient avant vous, donc vous réfléchissez sur ça et ça fait en sorte que vous arriviez à le craindre et à faire ce qu'il vous ordonne et vous écarter de ce qu'il vous interdit. Hein? Vous le craignez dans son adoration. Vous n'adorez pas d'autre que lui. Celui qui adore autre que Allah, il ne craint pas Allah. Il n'a pas de taqwa. Celui qui a le taqwa, c'est celui qui établit le tawhid et qui adore que Allah. Si quelqu'un il adore d'autre avec Allah, il n'a pas de taqwa. Il n'est pas parmi les muttaqin. Même si il peut peut-être même faire la prière, peut-être il fait le jeûne, peut-être il fait le hajj. Mais s'il adore d'autres que Allah, il n'a pas de taqwa. Parce que s'il craignait vraiment Allah, il aurait craint Allah dans ce qui est le plus grave et le plus important, c'est-à-dire dans le fait de l'adorer lui seul. Hein? Donc si quelqu'un il dit, moi j'ai le taqwa, je suis parmi les muttaqin, je suis parmi les awliya ou des choses comme ça, puis il adore un wali ou une tombe ou un homme pieux ou une pierre, hein? Alors il n'a pas de taqwa. Celui qui fait le shirk, il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui peut te protéger de châtiment d'Allah, excepté l'obéissance d'Allah. Il n'y a rien qui peut te protéger du châtiment d'Allah, excepté l'obéissance d'Allah. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عَذَابِي وَتَتَّقُونَ النَّارِ. Donc pour que vous puissiez vous protéger de mon châtiment et pour que vous puissiez vous protéger du feu. Parce qu'il n'y a rien qui va vous protéger du feu et vous préserver du feu, excepté l'adoration de votre Seigneur, celui qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé. Il vous a créé vous et il a créé ceux qui vous ont précédé. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى بقوله جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا والله جعل لكم الأرض بساطة أي مبسوطة وفراشا أي تستفرشونها وتنامون عليها وتبنون عليها وتزرعون على ظهورها وتسيرون عليها في سفركم أينما تريدون والأرض فراش ومهاد والأرض فرشناها فنعم الماهدون لأجل مصالحكم. Donc le cheikh explique qu'ensuite il continue à expliquer les preuves de la souveraineté qu'il a sur la création et du fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala, en mentionnant qu'il a fait de la terre comme un tapis. Il a fait de la terre comme un tapis qu'il a étendu, hein? Et il mentionne dans le verset 19 dans sourate Nuh, que Allah a fait pour vous de la terre comme un tapis. Hein? Il l'a étendu pour vous. Et il l'a tapissé pour vous. C'est-à-dire, vous dormez dessus, vous construisez dessus, vous plantez des récoltes dessus, sur le dos de cette terre, et vous marchez dessus, et vous voyagez dessus, là où vous allez, là où vous voulez. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait pour vous comme ça. Il vous a fait de la terre comme un tapis, comme un berceau. Et il mentionne que le verset dans Surat al-Dhariyat, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. La terre, on l'a tapissée, alors comme c'est une belle, un beau berceau pour vous, dans le but que vous puissiez atteindre qu'est-ce qui vous amène le bien. Hein, et qu'est-ce qui est un bienfait pour vous? وَالسَّمَاءَ بِنَاءً السَّمَاءَ سَقْفُ الْأَرْضِ وَفِيهَا مَصَالِحٌ لِلْعِبَادِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc, السَّمَاءَ بِنَاءً, le Cheikh il dit, le ciel comme une construction qu'il a bâti sur vous, c'est-à-dire que c'est comme un toit pour la terre. Donc le ciel, c'est comme un toit pour la terre. Et il dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas des égaux. Hein, il a fait descendre la pluie sur la terre ensuite, pour faire sortir des fruits comme subsistance pour vous. Alors ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration. Commencez pas à adorer d'autre que lui, alors que vous savez que il y a personne d'autre que lui qui a créé tout ça. Hein? Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ces choses là pour les gens de Quraysh qui adorent autre que lui. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et il mentionne ces choses là pour toute personne qui adore des idoles ou qui adore des tombes ou qui adore des saints, des hommes pieux, qui adorent des anges, qui adorent des prophètes, qui adorent des djinns, qui adorent le soleil, qui adorent la lune, peu importe, qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, ne me donnez pas des égaux, alors que vous savez qu'il n'y a personne d'autre que moi qui a créé toutes ces choses-là. Puisqu'il n'y a pas d'autre qui a créé, alors il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré. C'est moi seul qui mérite d'être adoré, comme c'est moi seul qui a tout créé. Hein? Donc c'est la preuve, c'est comme ça que Allah il mentionne Tawhid al-Rububiyyah comme preuve pour établir l'argument contre les mouchriquins qui essaient de mettre entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs et qui essaient de se rapprocher yani à des créatures au lieu de s'approcher uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis Inch'Allah, prochain cours, la semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera à cet endroit-là. On est arrivé au point où le cheikh il commence à énumérer maintenant les différentes catégories d'adoration. Anwa'ul ibadah. Donc on s'arrête. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.